Je parle de l'exposition comme d'un espace tridimensionnel qui est en fait un discours en trois dimensions. C'est ça. C'est en tous les cas la manière dont vous l'avez conçu, c'est la manière dont on pourrait dire que les personnes qui réfléchissent à construire une exposition représentent la chose. C'est-à-dire, on a quelque chose à dire. Ce quelque chose-là, on le fait porter, on l'incarne, on rassemble des éléments de discours qui sont à la fois des objets, à la fois du texte, à la fois de l'espace, à la fois de l'ambiance, à la fois de la dimension spatiale, éventuellement des odeurs comme ça arrive des fois, etc. Tu peux rebondir là-dessus ? Ouais. En fait, ce qui est important, quand on met, on transpose ça dans un espace en trois dimensions, c'est que dans un espace en trois dimensions, on ne fait pas que lire, on ne fait pas que voir, on entend, on sent, on a des émotions. Et tout ceci sert le propos. Pour servir le propos, et si on fait ces choix-là, il faut les faire à bon escient. C'est-à-dire que si à un moment donné, on offre la possibilité de toucher un vrai objet dans l'exposition, c'est pas n'importe où on va le mettre. On va le mettre à un endroit parce que, à cet endroit-là, face à quelque chose qui est difficilement après... comment dire, l'appréhension est sans doute difficile pour le public, le fait de passer par l'émotion va le mettre dans une condition qui va lui permettre de comprendre les choses autrement que si on le lui disait. Je prends un exemple, quand on est vers les météorites, on a trois météorites à toucher. C'est-à-dire trois météorites qu'on peut toucher. Il y en a une qui est en fait le cœur d'une météorite qui était tombée... dans le désert, en Algérie, je ne me rappelle plus dans quel, dans les années... bref, j'ai oublié, c'est pas très grave, mais c'était au XXe siècle. Donc une grosse météorite. Il en fallait une grosse, parce que quand on pense météorite, on pense toujours très gros. En fait, il en tombe surtout des petites. Parce qu'elles sont pulvérisées dans l'atmosphère, et c'est des débris. Et puis, il y en a deux autres. Il y a un morceau de lune. Donc, à Confluence, on peut toucher un morceau de lune. Je ne pense pas dire une grosse bêtise, mais quand on l'a conçu... C'était le seul musée où on pouvait le faire. Peut-être que maintenant, on peut le faire ailleurs. Mais surtout, je viens à la dernière. Il y a une toute petite météorite, petite plaque, qui est enchâssée dans une rondelle d'aluminium. Et cette petite plaque, c'est les résidus de l'explosion d'une supernova, c'est-à-dire quand une étoile a fini de brûler tout son hydrogène, elle va exploser, et la matière résiduelle va... partir dans l'espace. Le Big Bang, première galaxie, première génération d'étoiles. Une étoile s'est transformée en supernova et cette matière est partie dans l'espace. Deuxième génération d'étoiles, le Soleil. C'est-à-dire que cette matière va s'agglomérer avec d'autres matières, se condenser, et le Soleil va naître de cette manière-là. Et la matière qui va tourner autour du Soleil va s'écarter petit à petit et va faire des anneaux et avec le temps reformer les planètes dont la Terre. La matière qui est encore résiduelle de cette deuxième génération d'étoiles, donc supernova, elle va se promener dans l'espace, puis un jour l'attraction de la Terre va faire que ça va l'attirer et elle va retomber sur Terre. Et cette météorite, c'est ça. C'est-à-dire que on peut toucher, là, des petits éléments qui sont pris dans cette météorite, c'est des diamants, voilà, qui viennent de cette supernova. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher sur Terre quelque chose de plus vieux que ça. Ça, c'est plus vieux que le Soleil, c'est plus vieux que le système solaire, donc ça, c'est plus vieux que 4 milliards 700 millions d'années. Voilà. Et je pense que le fait de toucher quelque chose qui est aussi vieux, qui est plus vieux que la Terre sur laquelle on se trouve, peut permettre... de faire comprendre l'immensité du temps et l'immensité de l'espace. Voilà. C'était un exemple. Oui, oui. En tout cas, mettre en condition. Voilà. Mais alors, c'est une bonne relance vers la question que j'étais en train de me formuler et de t'adresser et que j'essaye de dire en français. Qu'elle soit compréhensible, c'est pas mal, je crois. Je trouve ça très... Il se trouve qu'on est dans un musée. Nous sommes pas dans un parc d'attractions, je n'ai pas des oreilles de Mickey. Ouais. Mais tu me dis si je me trompe, mais ton travail, le travail de votre équipe, il a consisté à concevoir, je répète, un discours spatialisé en 3D. Mais parce qu'on est dans un musée, ce discours-là, ce qui est l'essence même d'un propos dans un dispositif de communication, il s'adresse à des gens. Ces gens, vous les modélisez, vous les avez imaginés, vous avez opté testé, pour un parti pris. Ça sera plutôt la question ensuite que formulera Karl, mais... il n'empêche que ce propos-là, une fois qu'il est livré, en fait, il ne vous appartient plus. Non. Il ne nous appartient plus jusqu'au moment où on peut faire quelques petits ajustements. Oui, non, mais c'est sans open loops. Mais du coup, dans quelle mesure est-ce que votre travail de conception, il a été... En fait, des questions, j'en aurai deux. Dans quelle mesure est-ce que ce travail de conception-là, il a pris en compte des dimensions peut-être 4 et 5, que sont une dimension 4 assez simple, qui est celle du temps, le temps qui passe, le temps relatif à la personne qui fait la démarche de faire la queue sur le parvis, d'arriver dans l'expo, dans un samedi après-midi où elle a peut-être 2 heures à consacrer par rapport à l'immensité et à l'émotion de tout ce que tu dis là. L'emboîtement. Et puis, et ça pour le coup, ça sera ma question 2, moi il y a un terme qui commence à me venir de plus en plus quand je réfléchis à cette question, et c'est une question à laquelle je réfléchis depuis un certain temps, depuis que j'ai commencé cette thèse-là, et que tu prononces pas, et je me demande si tu le prononcerais, est-ce que vous avez conçu un dispositif de communication transmédia ? Peut-être que ce mot, il parlera un certain nombre définir transmédia. Transmédia, la manière dont je le conçois, et dont je le résumerai, peut-être je me ferai aider par des gens dans la salle qui le feraient peut-être mieux que moi. Tu parles de cet emboîtement-là, la construction d'un propos transmédia, pour autant que je sache, elle consiste à créer des unités narratives indépendantes, les unes des autres, mais qui sont, quand on les agrège, en mesure de constituer un métadiscours, mais on peut très bien aller de l'un, on peut très bien n'envisager qu'une partie de la chose, on passera pas à côté... On ne sera pas en train de ne pas recevoir une histoire. C'est simplement le niveau de l'histoire qu'on reçoit. J'ai tout à fait compris les deux questions, elles sont liées. Ça a été notre volonté. Quand tu commençais, finalement, si on a une demi-heure à consacrer à cette expo ou si on a 4 heures, est-ce qu'on en retire la même chose ? Moi, simplement pas. Ouais. Mais surtout, quand on a une demi-heure, est-ce qu'on en retire quelque chose ? Est-ce qu'on comprend ? Oui, je le pense. Alors, l'étude publique, je sais qu'elle va être bientôt rendue publique, en tout cas privée pour l'instant, mais je l'attends avec impatience. En tout cas, ce que j'ai pu voir, et puisque on se rend dans les salles et on discute avec les visiteurs aussi, en tout cas, ça a été conçu de telle manière que, grâce à l'emboîtement, si tu prends les textes de partie, ils sont très courts, et les textes de thème le sont encore plus. Mais ils te disent l'essentiel du squelette de l'exposition. Après, si tu ne les lis pas, ils sont là pour ça. Je dirais qu'après, ça se passe au niveau de la collection. Et ces phrases de contextualisation, même si tu lis pas les petits textes qui sont en début de cartel, tu lis le texte d'intro, le texte de partie, et tu te retrouves sur un îlot, si tu lis la phrase de contextualisation, normalement, tu comprends l'expo. Et si tu en lis 3 là, 2 là, 4 objets ici, normalement, tu ne devrais pas perdre le fil. Après, tous les médias qui sont utilisés ont à dire quelque chose dans une forme différente, mais pour un discours qui est commun. Ouais. Mais par contre, vous avez des publics qui vont être plus attirés par un petit film d'animation, par les mécanismes, donc ces petits films d'animation décalés un peu à la Shadow. Pour ceux qui sont plus attirés par la collection, ils vont regarder la collection d'insectes, qui a été choisie parce qu'elle est très esthétique, qui a été choisie parce que physiquement, on voit les mécanismes, le dimorphisme sexuel chez les insectes, vous ne pouvez pas passer à côté. Ça se voit, des fois vous vous demandez, mais c'est pas la même espèce, le mâle et la femelle. Si, si. Et vous avez les textes autour qui expliquent tout ça. Vous avez des publics qui lisent les textes, des publics qui sont plus attirés par la collection, qui vont lire juste la phrase qui est à côté, ça va être suffisant. puis d'autres qui vont pas lire, vont regarder la collection parce que c'est esthétique et que voilà, c'est beau à voir, mais qui vont aller voir le petit film parce que bah, ça vous raconte une histoire qui est un peu décalée, c'est plus rigolo et vous en apprendrez tout autant. Mmh. Voilà, c'est des modalités qui sont différentes parce que bah, le public est varié. Et ce qu'on ne voulait pas, nous, c'était flécher, en gros. J'avais des collègues il y a très longtemps qui, on en a discuté, voilà, qui voulaient pré-catégoriser les visiteurs au moment où on prenait leur billet. Moi, je me suis battu bêtes et ongles contre ça, parce qu'en gros, vous arriviez à la caisse et on vous demandait, alors, vous êtes un amateur éclairé ou un imbécile notoire? En gros, c'est ça que ça voulait dire. Parce que si vous ne savez pas, bah, on va vous faire ce parcours-là pour les niais. Puis si vous savez, voilà. Et ça, on ne le voulait pas. Parce que pourtant, ce qui est du coup une transition très habile. Voilà, très habile. Parce que, sans le savoir. tu dis que vous ne vouliez pas de catégorisation des publics, et pourtant, dans ta présentation, tu parlais d'un public cible, qui sera le public familial. Alors, le public familial, c'est un peu le fourre-tout des publics. C'est-à-dire qu'en gros, quand on dit, bon, on fait une exposition pour public familial, généralement, c'est qu'on ne s'est pas cassé la tête de choisir la cible. Nous, ce n'est pas ce qu'on a fait. On s'est vraiment cassé la tête parce que, une fois qu'on l'a défini, parce que le public familial, c'est quand même la majorité du public des musées et du nôtre. Ça, on le voit. Et puis, les enfants ne viennent jamais seuls. Soit ils sont accompagnés de leurs parents, soit ils sont accompagnés en scolaire. Soit et donc il y a une préparation en amont, soit c'est des centres aérés, mais ils sont accompagnés. Donc ils viennent avec un médiateur. Une fois qu'on sait ça, il faut que on attire notre, que notre attention soit attirée non pas par la cible, puisqu'elle est définie public familial, mais par le langage que l'on utilise. Et pourquoi cette cible? Eh bien parce que c'est la cible la plus commune des musées, ça c'est un premier point, c'est-à-dire que en gros, si tu es, j'imagine, je pense qu'il y a des entrepreneurs ici, ils développent, alors ils peuvent développer une niche, voilà, mais généralement ils vont essayer de vendre leurs produits au plus grand nombre. Bon, j'ai des collègues qui n'aimeraient pas m'entendre parler de produits pour des expositions, mais bon, c'est que du vocabulaire. J'y mets autre chose, vous l'avez vu. En gros, pourquoi cette cible? Parce que c'est la cible majeure des musées. C'est aussi une cible qui permet de drainer d'autres visiteurs, parce que l'enfant, il vient avec ses grands-parents, il vient avec ses parents, il vient avec des âges, on va dire, des classes d'âge. C'est ça. Et puis dans les classes d'âge, vous avez tous les visiteurs. C'est ça aussi, parce qu'une famille, vous pouvez avoir des métiers différents, des connaissances différentes, etc. Alors ça, c'était notre volonté, mais par les moyens qu'on utilise pour délivrer le discours, et donc différents médias, on peut toucher d'autres cibles. Les individuels, on a beaucoup d'étudiants. Je crois, les dernières, c'est les... La majorité des publics, c'est les 15-25 ans, je crois. Ça m'agace encore, parce que je suis en train de répondre... qui n'avait pas de contenu, qui n'avait pas d'expérience de visite, en gros, qu'elle regrettait le musée du Trocadéro des années 30. Voilà, et comme source, elle s'appuyait sur un article qui est sorti en 1994. Bref, quand on fait l'analyse critique, je peux dire sans m'avancer trop que, en gros, ce qu'elle regrette, c'est qu'il y ait d'autres personnes que sa catégorie dans les musées. En gros, c'est quelqu'un qui va plutôt voir des expositions Beaux-Arts, voilà, et qui vient, sans qu'elle s'en rende compte, avec le contenu. C'est-à-dire qu'elle va voir des expositions uniquement pour voir des œuvres d'art qu'elle connaît déjà. C'est-à-dire qu'elle vient avec le contenu, parce qu'elle a cette chance-là. Mais la majorité du public qui n'a pas de contenu, qui va voir des œuvres d'art, qu'est-ce que ça leur raconte? À part de dire... Le jugement de valeur, c'est beau, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit rien du tout. Il n'y a pas de discours, en gros. Est-ce que tu peux pas... Vous venez dans une institution qui est la grande institution patrimoniale de France, le Louvre, et toutes les expos ne sont pas comme ça, parce que ça évolue aussi, et c'est bien. Et voilà, ben, la majorité des gens viennent se cultiver, mais se cultivent-ils vraiment? Qu'est-ce qu'on leur raconte? Je rêve d'une vraie exposition Beaux-Arts. C'est ce qu'on a tenté de faire dans l'Art et la Machine il n'y a pas très longtemps au Musée des Confluences, où l'œuvre qui est choisie va illustrer un propos qu'on a construit en amont. Et où on te recontextualise l'œuvre dans un contexte historique. C'est-à-dire que l'œuvre, elle ne sort pas ex nihilo. C'est un artiste. Quel artiste? Pour quelle raison? Quelle vie il a eue? Dans une société? Quel contexte à ce moment-là? Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'on ne raconte jamais dans des expositions Beaux-Arts. Dans les expositions Beaux-Arts, on parle à ceux qui savent. Ou alors on ne leur parle pas directement dans l'exposition. On peut imaginer que justement ce soit l'audio guide ou alors un guide physique qui amène ce voilà. Propos. Oui, tout à fait. Ou le livre que vous allez acheter à la boutique et que vous n'irez jamais, que vous posez dans la bibliothèque. Et vous l'avez acheté, les amis verront que vous êtes allé voir l'exposition. Mais au moins, ça va être... Je suis très critique. En fait, vous avez compris qu'au Musée des Confluences, on s'adresse à tous les publics, certes, mais notre cœur de cible, au départ du projet, il faut dire ce qui est, c'est on s'adresse à ceux qui ne mettaient jamais les pieds dans un musée. Ce musée, au départ, qui est un projet du département du Rhône, dès le départ, la volonté a été affichée, c'est un acte social. On dépense de l'argent, certes, mais on dépense de l'argent pour les personnes qui ne mettent jamais les pieds dans un musée. Et on a fait des journées, une journée porte ouverte, on voit notre public régulier. Moi, je vous assure, j'ai travaillé au musée Guimet avant, il y a des visiteurs que je ne voyais jamais dans les musées. Le jeudi soir, vous avez des ados qui viennent seuls, en groupe d'ados, dans le musée. Au musée Guimet, je ne voyais jamais ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce public-là qu'on a voulu toucher, il vient. Est-ce que c'est voilà. Pas... Pour le coup, cet effet, alors c'est, là, je me fais vraiment l'avocat du diable. Démocratiser le musée, ça n'est pas le rabaisser. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un effet de mode du fait que le Musée des Confluences est tout nouveau et que tout le monde va venir le voir? Évidemment, on vient d'ouvrir. La semaine dernière, on a eu notre millionième visiteur en 13 mois. Il était prévu en 12 mois d'en avoir 500 000. Là, on en a le double. On sait très bien que c'est l'effet d'ouverture. Mais on travaille une programmation pour justement garder, en tout cas, cette dynamique. C'est certain que dans les 2 ans à venir, bah, ça va se stabiliser. Mais si on arrive à stabiliser 500 000 visiteurs par an, ça sera un succès. Là, on l'a dépassé, on est très heureux, mais pour la petite histoire, l'année de fermeture du muséum, on avait 32 000 visiteurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonjour, c'est un plaisir.